un ami, il s'appelle Alceste. C'est son nom, Alceste. Nous, on l'appelle Zantiope, c'est notre ami Zantiope. Bonjour, la misanthrope. Quand il est à Saint-Tope, il vit comme un ascète. Il sort jamais là-bas, mais quand il est à Saint, il vit comme à Saint-Tope. Toute la nuit, il sort, il fait le tour des bois, tout l'on boite et l'on danse. Il y en a plusieurs à Saint. Il cherche Célimène, sa doudou fiancée. A vu Célimène, pas là, à la fin, il a tout vu, lui dit ce qu'il pense. N'est pas content, tu sais, il dit fuyons ces boîtes de lait condensé. Ah, parce que c'est son mot, ça. Parce que lui, il dit que ceux qui dansent dans ces boîtes, ils sont à feu. Et quand il s'arrête de danser, il dit c'est des boîtes de lait condensé. Et voilà, et ça fait rigoler. Oh, oh, oh là là, oh, oh bon bateau. Mais lui, il est en colère et il dit agressant des Molières. Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode. Ah, il aime pas qu'affecte la plupart de vos gens à la mode. Il aime pas la mode et je ne ai rien tant que les contorsions. L'aime pas le jack de tous vos grands faiseurs de protestations. Il aime pas du tout. Viens, viens, ma Célimène, viens, viens, je t'amène. Allez, viens, va, laisse ces sapajous faire ensemble joujou. Ils dansent jack toute leur flatterie et leur cajolerie. Avec les mains, c'est rien que du chiquet de la cour de biquet. Ah, ça c'est son mot, ça encore. Parce que lui, il passe pour l'amour, pas besoin de faire des manières. Lui, tout de suite, allez, boum boum. Et voilà, c'est pas compliqué. Mais Célimène, c'est pas ça du tout. Elle veut pas tout de suite, boum boum, parce qu'il est une grande coquette. Et puis d'ailleurs, tu vas voir. Mais notre Célimène dit pas toujours amen, non. Oh non, au contraire, bien souvent, elle dit amen, non. C'est vrai ça, moi j'aime conversation de garçon plus amène, oui. Amène signifie doux, puis je suis pas cendrillon, je rentre pas à minuit. Si tu crois qu'en amour y'a pas besoin de haute œuvre, va t'en chercher ailleurs qui peut faire ton bonheur. Pour gagner une guerre, il faut faire des manœuvres. Mets du miel sur ton piège pour attaper mon cœur. Et bien voilà. Et tout ça, c'est de la diatribe. Elle est comme ça, Célimène. Elle aime avoir beaucoup d'amoureux qui font nanana des manières. Oh oui, mais tout ça, c'est bien triste. Et ça donne envie de partir et chercher sur la terre un endroit écarté où d'être homme d'honneur, on est dans la liberté. Comme il a dit un copain à moi. Seulement, voilà, il n'y en a pas. Tout est loué depuis Pâques. Alors, qu'est-ce que tu veux faire ?